Matic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence de la mort individuelle au classement UNESCO des nécropoles vosgiennes de la Grande Guerre avec l'auteur Yann Prouillet dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginaires. Yann Prouillet, vous êtes éditeur, vous êtes historien, vous avez largement contribué au dossier de classement des nécropoles. On va dire, septembre 23, c'est ça ? Ça, ça a mis un petit peu de temps, mais depuis septembre 23. Et je crois 139 nécropoles inscrites en Belgique et en France. Voilà. Donc vous allez nous parler de la mort individuelle jusqu'au classement de ces nécropoles. L'histoire dans l'histoire. Merci de votre présence. Je vais en effet vous évoquer une véritable antinomie. C'est trop fort, je vais le baisser, voilà. Une véritable antinomie parce que vous voyez spécifiquement quelque chose qui va tout à fait ensemble et vous verrez que dans la longue vie et aboutissement de ce dossier-là, on a une raison pour laquelle, finalement, au départ, le classement UNESCO des nécropoles de la Grande Guerre n'aurait jamais dû intervenir. Mais vous voyez que l'histoire, il faut jamais miser dessus. Donc, comme vous le savez, l'UNESCO, le classement des sites et paysages de mémoire de l'UNESCO, c'est quelque chose qui vient magnifier deux entités. La première entité, c'est la beauté de la nature. Et la deuxième entité, anthropologique ou anthropique, c'est la beauté des actions ou des réalisations de l'homme, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient techniques. Donc, de fait, on a dans les deux cas une notion de beauté qui est parfaitement antinomique à la mort, même si, quelque part, on peut tout à fait magnifier la mort, ne serait-ce que pour, commémorer la mémoire des vivants. Donc, finalement, quelque chose qui, comme je l'ai dit, n'aurait pas dû intervenir. Pour monter ce dossier, pour essayer de faire intervenir ce dossier, et on verra aussi pourquoi tout cela a été fait, eh bien, il s'agissait non pas de magnifier ou de carrément béatifier la mort, mais de se souvenir de ce qu'étaient les caractéristiques de ce qui fut la Première Guerre mondiale. Là aussi, je viens de dire un gros mot par rapport à l'UNESCO, la guerre n'est absolument pas un concept unesquien, absolument pas. Et donc, de fait, il a fallu développer tous les arguments, y compris les arguments politiques, pour bien démontrer que nous avions affaire à un épisode de l'histoire qui était un épisode absolument exceptionnel et que, à partir du moment où on entrait dans l'exception mondiale, là, pour le coup, on entrait dans des critères de choix qui étaient tout à fait possible, et que ces critères étaient particulièrement différents, divers, pluriformes, parce que la guerre, c'est un gros mot, mais c'est également un grand mot. Vous mettez tout dans la guerre. Parce qu'à partir du moment où cette guerre devient mondiale, à partir du moment où cette guerre devient universelle, eh bien, obligatoirement, l'ensemble des actions de l'homme avec, l'implication de la nature, deviennent eux aussi universelles. Donc, le catalogue est gigantesque, on peut piocher dans tous les sens. Moi, je n'évoquerai, bien entendu, que les classements dans le département des Vosges, sachant que ce classement donc, qui a eu lieu en septembre 2023, on verra tout à l'heure, n'a bien entendu pas concerné que ce genre de choses, mais je vais y revenir. Et donc, là encore, quand on approche le prisme de la Première Guerre mondiale dans le département des Vosges ou dans le massif des Vosges, eh bien, on s'aperçoit de spécificités qui, elles-mêmes, sont particulièrement intéressantes, entre guillemets. Alors, je me place sur un point de vue scientifique, pas sur un point de vue moral, bien entendu. Elles sont particulièrement intéressantes parce qu'on y dégage des spécificités qu'il n'y a pas du tout partout ailleurs. La première spécificité de la Grande Guerre dans les Vosges, c'est qu'on a un département qui a une certaine ubiquité. On peut y faire la guerre tout à fait en pleine, comme régulièrement partout ailleurs, mais on a également un espace de montagne, et que cet espace de montagne, lui-même, a même une typologie, une spécificité différente. Et là, comme vous le voyez, on parle de la guerre mondiale, mais déjà, quand je continue à approcher le prisme, on s'aperçoit qu'il y a deux guerres dans le département des Vosges. Là, on va commencer à découper le saucisson. Deux guerres dans les Vosges, tout simplement parce qu'il y a deux phases de cette Première Guerre mondiale dans les Vosges. Il y a une phase dite de guerre de mouvement, la bataille des frontières. Cette phase correspond à la pénétration par les Français en Alsace à partir du 7 août 1914, puis le retour de cette attaque alsacienne qui fait que les Allemands eux-mêmes vont pénétrer vont passer l'école à partir de l'Alsace. Je rappelle bien sûr que l'Alsace est allemande à cette époque-là. Vont passer l'école et vont s'enfoncer relativement profondément dans le territoire. C'est la ligne qu'on ne voit pas. Bon, je vais la montrer là. Donc, les Allemands pénètrent très profondément dans le territoire et arrivent à prendre 82 communes du département. Donc toute la partie nord-est du département des Vosges est soumise à la guerre, aux batailles en août et septembre 1914. À partir du 12 septembre 1914, les Allemands perdent la bataille de la Marne, beaucoup plus à l'est entre Paris et Vitry-le-François, et ils sont obligés eux-mêmes de reculer. Donc vous voyez, cette bataille des frontières, c'est une guerre de mouvement, d'avance et de recul. Et ce recul va finalement se stabiliser dans la nuit du 11 au 12 septembre 1914. Les Allemands décident d'arrêter leur recul tout simplement parce qu'ils ont ordre de ne pas amener la guerre, puisque cette guerre va se prolonger. On n'a pas gagné ni l'un ni l'autre la bataille des frontières. Eh bien, cette guerre va se prolonger sur le sol. Et donc, tant qu'elle a fixé sur le sol, autant la fixer sur le sol de l'ennemi. Et donc, d'où le fait que la bataille des frontières s'arrête et débute la guerre de mouvement en laissant 4,8% du territoire du département des Vosges aux mains de l'ennemi, soit 26 communes. 26 communes restent envahies. Donc vous voyez qu'on a déjà cette spécificité. La guerre dans les Vosges est un peu plus complexe qu'on ne le pense. Voilà les communes, pour ceux qui sont vosgiens, les communes qui sont restées donc sous domination ennemie. Et là, à partir de là, se passe une autre spécificité, c'est que ces communes, eh ben, ce sont toutes des communes de montagne, de moyenne montagne certes, mais de montagne. Donc une succession de cols, de vallées, de montagnes, de monts plus ou moins importants, en gros entre 450 mètres et presque 1000 mètres, dans le département des Vosges. Ça va amener une autre caractéristique principale, qui va être celle d'une spécificité supplémentaire, puisque c'est dans les Vosges que ça va être le seul endroit sur le front de l'Ouest, donc sur le front français, où on va faire ce type de guerre. Pour une guerre technique, technologique et industrielle, une guerre de montagne, c'est une guerre dans la guerre. Donc, de fait, on rentre sur quelque chose qui est particulièrement connu, surtout depuis Napoléon, hein, qui tient les hauts, tient les bas. On se trouve avec une guerre et sur laquelle la géographie est particulièrement importante, elle est plus qu'importante, elle est majeure. On a donc la guerre la plus haute, je reparle encore sur le territoire métropolitain, ce n'est pas la guerre la plus haute dans le monde, la plus haute dans le monde, c'est dans les Alpes, mais pour nous, pour notre front, la guerre la plus haute, de à peu près 1000 mètres d'altitude, avec bien entendu là aussi des choses qui sont particulièrement graphiques, comme disent les Anglais, avec des spécificités et des traces. C'est là-dessus, bien entendu, qu'on a bien entendu mis l'accent. Avec aussi, on pourrait se croire au fin fond du Pérou, il y a des choses assez particulières. Et puis, dans le cadre d'un faux paradoxe, à partir du moment où c'est la guerre la plus haute, c'est aussi la guerre la plus profonde. C'est assez facile à comprendre parce que plus vous voulez creuser profondément sous les tranchées de l'ennemi pour les perturber, voire les détruire, eh bien, il vous suffit dans la guerre de montagne de reculer dans la pente. Plus vous descendez dans la pente, plus si vous creusez à l'horizontale, vous êtes profond par rapport à la hauteur. Donc ce faux paradoxe qui veut qu'on a deux typologies importantes, la guerre de montagne en termes d'altitude et la guerre de profondeur. C'est dans les Vosges, dans le secteur de la Chapelotte, qu'on descend le plus profond de l'ensemble des fronts, 120 mètres de profondeur. On va se battre à cette altitude-là, négative, donc jusqu'à 120 mètres de profondeur. Ce n'est pas le site le plus important de France. Hein, le site le plus important, c'est la butte de Vaucois, où là, on a crevé le sol jusqu'à 85 mètres de profondeur. Mais c'est celui où on atteint des paroxysmes qui font que c'est tellement paroxysmé qu'à partir de 1917, on va arrêter ce type de guerre parce que chaque explosion et chaque croisement coûte tellement d'argent à produire que finalement, on dit, pour gagner un morceau de territoire qui, de toute façon, ne sera plus jamais constructible, ni même d'ailleurs exploitable sur le plan économique, ce n'est pas la peine de dépenser autant d'argent. Donc, mais on a quand même gardé ces caractères-là. Et donc, on a des trous partout, parce que, bien entendu, à partir du moment où vous faites une guerre dans ce type de territoire, la pression de l'artillerie, des combats et des explosions souterraines vont faire qu'il n'y a absolument plus aucun couvert forestier. Vous êtes dans un désert créé de toutes pièces par la guerre, et donc, pour vivre dans le désert, il faut s'enterrer, comme le pauvre Gecko de base. Et donc, il y a également tout un patrimoine souterrain créé par cette guerre spécifique qui est la guerre souterraine, la guerre des mines. Et tout cela, bah, comme je l'ai dit, c'est un mot particulièrement important, le mot patrimoine, parce que finalement, c'est ce qui est une des clés importantes du dossier UNESCO, c'est que la guerre en elle-même, malgré toute son horreur et sa terrifiance, amène son propre patrimoine. Ce patrimoine, aujourd'hui, il est en très grande majorité disparu. Le patrimoine humain a disparu avec la disparition du dernier poilu, hein, Lazare Ponticelli. Il est également disparu tout ce qui était putrescible dans la guerre. Et donc, cette guerre était à la fois une guerre d'humains et à la fois une guerre d'éléments naturels. Ces éléments ont en partie disparu. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste aujourd'hui dans les Vosges le squelette de la guerre, c'est-à-dire tout ce qui reste... non putrescible et qu'on peut encore voir sur le terrain. Ça, c'est aussi important parce que quand vous voulez parler de quelque chose, si vous n'avez absolument plus rien à montrer, c'est là qu'interviennent les nouvelles technologies qui permettent de restituer le disparu. Il se trouve que dans les Vosges, on a une autre spécificité encore par rapport à d'autres fronts, c'est qu'il n'y a eu ni réemprise industrielle, ni même réemprise économique. Comme par exemple remettre en état des champs ou remettre des forêts. Même à Verdun, on a replanté les champs de bataille parce que tout ce territoire détruit, il a bien fallu le revaloriser pour les années et les décennies à venir, donc on a replanté des arbres. Dans les Vosges, les arbres ont repoussé tout seuls, on n'a pas spécifiquement refait des plantations, mais surtout, la guerre n'a concerné que des points particuliers. Ça n'a pas été paroxysmique comme du côté de Verdun, où Verdun devient un désert tout autour, dans les 20 km de profondeur par rapport à la ligne de front. Non, dans les Vosges, il y a des endroits qui sont devenus désertiques, mais on ne s'est pas battu de manière universelle. On se battait sur des points de hauteur qui étaient importants, mais dans d'autres coins, on avait certes des bois mitraillés, mais on avait aussi des parties du front qui n'étaient absolument pas touchées profondément par la guerre de 14. Par contre, à l'intérieur, il restait énormément de patrimoine, ce fameux patrimoine bâti, ce patrimoine non putrescible. Et ce patrimoine non putrescible, des milliers et des milliers, on n'en connaît même pas aujourd'hui le nombre, ces milliers d'abris et de traces de guerre sont elles-mêmes devenues du patrimoine. Ce patrimoine est l'un des meilleurs conservés au monde, et j'expliquerai aussi pourquoi, parce que, comme il n'y a pas eu de réemprise et que la hauteur a protégé certains vestiges, parce qu'on n'est pas allé les chercher à 1000 mètres de haut ou à 800 mètres à 80 mètres de profondeur, eh bien, ce patrimoine existe toujours. Donc, nous avons encore des témoins muets, mais qui ont énormément d'histoires à nous raconter. Ça fait partie de ce patrimoine visible. La pierre en est un. Par exemple, là, je vous montre un des sites qui a été classé, et le seul d'ailleurs dans le département 67, dans le département du Bas-Rhin, c'est les pentes du Petit Donon. Eh bien, ces pentes du Petit Donon ont gardé la mémoire d'un combat qui pourtant n'a duré que 2 jours, 20 et 21 août 1914. Ça a généré quelques centaines de morts, et ces morts sont toujours visibles, en tout cas leur commémoration, sur la pierre elle-même. Donc vous n'avez pas besoin de chercher, vous n'avez pas non plus besoin d'une restitution numérique de ce qui s'était passé à l'époque. Il suffit simplement de regarder la pierre à côté de laquelle vous cheminez et vous avez la guerre qui vous saute à la figure. Et c'est pareil un tout petit peu partout. Là, dans le secteur de la Chapelotte, un simple nom sur un caillou, eh bien, quand on connaît l'histoire de ce nom, on a une histoire à raconter. La pierre est un organe de mémoire. Ce n'est pas seulement un organe de mémoire loco-local, ni même de 2 belligérants. Là, par exemple, je vous montre 2 cailloux. Vous allez me dire, mais pourquoi cette escogriffe-là nous montre deux cailloux? Franchement, il y en a tellement dans les Vosges que... Eh bien, en fait, sur ces deux cailloux, il y a une histoire qui est le résumé en elle-même de la guerre mondiale. Tout simplement parce que sur le gros caillou, je sais pas si... Non, voilà, sur le petit caillou qui est devant vous, eh bien, vous avez ça. Et ça, c'est marqué « Good luck, goodbye, goodbye ». C'est le témoignage d'un soldat américain qui s'appelait Omerer, c'est marqué en dessous du US, il a laissé son nom, et qui, en novembre 1918, a laissé l'endroit où il a passé simplement 2 mois au suivant, donc dans l'ordre des occupants, entre guillemets, militaires qui sont venus combattre ce secteur-là, et donc cet Américain a laissé sa trace-là. La trace d'un soldat américain de 1918 dans une montagne perdue des Vosges, c'est déjà un témoignage. Et puis, juste à côté, il y a un gros caillou que je vous ai montré tout à l'heure. Le grand banc rocheux qui est derrière, voilà celui qui apparaît là-haut, eh bien, en fait, je vous envoie là un petit bout. Et si vous arrivez à lire, c'est marqué 1 Divisia 3 Polska, première division de la 3e armée polonaise. Tout simplement parce que Homerer, que vous avez vu tout à l'heure, il a laissé le coin à des soldats polonais qui sont restés 2 mois également à cet endroit-là. Donc vous voyez que sur le même secteur du banc rocheux, vous avez 2 armées complètement différentes, avec carrément 2 continents différents. Et juste à côté de ce banc, donc sur la gauche de l'image, eh bien vous avez un petit cartouche dans lequel il y a des soldats donc américains de New York qui ont gravé leur nom à côté de soldats français qui étaient à côté d'eux. Donc 3 nations, rien que sur 2 cailloux au même endroit. Et si vous étendez un tout petit peu la focale, vous faites 50 mètres de l'autre côté de l'ancien No Man's Land et vous trouvez des gravures allemandes. Et si vous refaites 100 mètres en contrebas, vous avez ça. Vive la Corse. Là, on rentre en plus dans les particularités régionales. Et bien, juste en dessous, il y avait des Corses qui ont également laissé leur témoignage. Autour, il y a les numéros des compagnies des Corses qui sont venus occuper ce secteur-là. Pas en 1918, mais de 1914 à 1916. Bref, 4 nationalités différentes au même endroit, c'est vraiment l'archétype résumé de ce qu'est la guerre mondiale. La guerre mondiale, comme son nom l'indique, on a une notion de caractère mondial. Là, pour le coup, ça peut plaire à l'UNESCO. D'autres, bien entendu, d'autres réalisations ont elles-mêmes leur charge mémorielle. Par exemple, sur l'autre côté de la montagne, par rapport aux photos que je vous ai montrées, donc vous faites un trou, vous remontez, et vous avez ça. Ça, c'est tout à fait exceptionnel parce qu'en fait, le petit bonhomme qui se trouve à graver ici, donc juste à côté, parce que c'est vrai que ça tue l'image, eh bien, en fait, il s'agit d'Antoine Sartorio. Antoine Sartorio, c'est un des soldats qui est dans un régiment de 1914 à 1916 à cet endroit-là. Il se trouve que dans le civil, il est sculpteur, il est pris de Rome, et bah, comme tout le monde, universalité de l'engagement, bah, on lui a mis l'uniforme sur les dos, sauf qu'au lieu d'utiliser son fusil, de temps en temps, il utilisait son marteau à ciseler, et il a réalisé ce genre de choses. Or, il se trouve qu'Antoine Sartorio, c'est un personnage qui est mondialement connu parce que c'est lui qui va réaliser le cénotaphe de la victoire, qui est le premier monument qui passe sous l'Arc de Triomphe dans la nuit du 13 au 14 juillet 1919 à Paris. Donc, l'histoire locale se percute et se connecte avec l'histoire mondiale et finalement devient un élément ultra connu, mondialement connu, parce que ce défilé de la victoire eh bien, fait défiler l'ensemble des nations vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Vous voyez que des Vosges à Paris, il y a aussi des raccourcis qui se lisent dans la pierre. Et puis, bien entendu, derrière, on a des localismes ou des choses un peu particulières. Pour les Vosges, les chasseurs à pied, col de la Chipote. Pour les Alpes, les chasseurs alpins, hein, c'est pas la peine de les traduire. Et en fait, tout cela a laissé sa propre mémoire, qui est une mémoire, là, cette fois-ci, non pas universelle, mais une mémoire au moins nationale, parce que chaque région a payé son tribut. Vous avez vu les Corses tout à l'heure. Chaque région est venue payer son tribut pour ces quelques arpents de montagnes vosgiennes dans le secteur. En voici d'autres, de la vallée de l'Ubaï. Là, vous les avez à Ménil-sur-Belleville, dans le secteur de la Chipote. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait important aujourd'hui, c'est que nous ne cultivons pas, quand on dit nous, les aménageurs de terrain ou les historiens ou tout un tas d'autres professions, on ne cultive pas entre guillemets, la nostalgie de la guerre, loin de là. Nous, par contre, nous avons une vision de référence patrimoniale. Or, cette guerre de 14, elle a laissé, je vous l'ai dit tout à l'heure, un caractère muséal particulièrement important et même majeur pour le front de l'Ouest. Et donc, ces Vosges sont devenues un véritable musée à ciel ouvert. Dans le détail, là, par exemple, je vous montre un caillou. Or, il se trouve que ce caillou, c'est un incinérateur lié à une ambulance de la Première Guerre mondiale. Il n'en reste plus que deux dans les Vosges, un dans la vallée de Münster, un dans la vallée de Ravine à côté de Senones. C'est des éléments de patrimoine qui, pris dans le détail, sont insignifiants, mais leur charge mémorielle permet de rappeler qu'il y a eu à cet endroit-là des éléments importants. Et puis, c'est surtout un patrimoine particulièrement visible. Là, j'ai connecté deux photographies d'un même lieu. La photographie en noir et blanc en 1915 avec les Allemands parce que c'était en secteur allemand. Et la photographie que j'aurais pu prendre hier du même site tel qu'il est aujourd'hui. La seule chose qui disparaît entre les deux images, c'est l'humain. Mais le reste n'a absolument pas bougé. Donc, on a une lisibilité parfaite à 110 ans de distance de ce qu'étaient les choses. Ça aussi, c'est tout à fait intéressant. Je vous ai parlé d'autres spécificités. La guerre dans les montagnes, c'est une guerre de hauteur qui tient les hauts, tient les bas. Et parfois, ce n'est pas assez haut. Et donc, on va y ajouter la photo de gauche en noir et blanc. C'est-à-dire, on va y ajouter une échelle observatoire métallique blindée qui est un des seuls exemplaires existants pendant la guerre de 14 elle-même. Et bien, si vous vous promenez sur la côte du massif de l'Ormont au-dessus de Saint-Dié-des-Vosges, et bien, vous allez tomber sur la photo d'en bas. C'est encore présent aujourd'hui. Alors, c'est plus dans le même état, ça s'est cassé la figure dans les années 30, c'était pas entretenu, c'est tombé, mais c'est toujours présent aussi. Or, là aussi, il s'agit du dernier exemplaire vivant, entre guillemets, d'un certain type de patrimoine, et ce patrimoine est toujours présent. Ça fait partie des caractères de spécificité unique et parfois universelle qui plaisent à l'UNESCO. Si vous allez vous balader sur un sentier de mémoire au Hartmannswillerkopf, à un moment, on autorise les gens à rentrer dans quelques abris, et bien là, vous avez encore la machinerie d'un téléphérique posée par les Allemands en 1915. Elle est toujours là, je n'ai pas truqué les images. Et puis, juste à côté, vous avez un autre trou, et dans cet autre trou, vous avez la centrale d'air comprimé qui permettait de creuser les galeries, non pas pour faire la guerre des mines, mais simplement pour abriter les soldats allemands dans le secteur du Hartmannswillerkopf. Tout ça est encore visible également. On a également des caractères symboliques. Là, par contre, ceux-ci sont peut-être moins importants et peut-être même vosgiens, vous ne les connaissez pas. Eh bien, si je vous montre la photo d'un trou, encore une fois, qu'est-ce qui nous montre un trou, cet escogriffe ? Eh bien, c'est tout simplement les restes d'une cave d'un des hameaux qui a disparu, tué par la guerre de 14. La guerre de 14 n'a pas tué que les hommes. La guerre de 14 a également tué les lieux de vie. Eh bien, vous connaissez les villages détruits de Verdun ou de la Champagne, eh bien, il y a également eu des villages détruits dans les Vosges. Ce ne sont pas des villages complets, ce sont des micro-hameaux ou des écarts qui n'ont pas été relevés de la guerre de 14. La guerre tue également les pierres. Après, la partie là, elle est peut-être un tout petit peu plus critiquable. On a aussi une valeur esthétique. Alors, cette valeur esthétique, elle peut s'appliquer en effet aux traces patrimoniales qui ont été laissées, mais cette valeur esthétique, pour le coup, au niveau de la communication, ça peut paraître intéressant. Ce ne n'est pas simplement que l'esthétique de ce qu'on peut amener comme plus-value de photographe pour les images, c'est aussi quand même des sites qui ont touristiquement un petit peu de gueule. Là, ici, on est sur le coquin, plus c'est amusant comme nom. Mais c'est également des sites qui peuvent avoir une charge esthétique mémorielle, comme par exemple l'art que je vous ai montré tout à l'heure avec Antoine Sartorio. Après, tout ce qui a disparu, c'est l'image, et ça, c'est tout à fait restituable aussi, parce qu'il se trouve que la Première Guerre mondiale est la première guerre qui fut ultra documentée par des millions de photographies. En effet, pas des milliers, des millions de photographies ont été prises pendant la Grande Guerre. C'est la première guerre mondialement documentée. De fait, toutes ces photographies qui ont été prises à l'époque permettent de restituer les lieux, l'humain, et également aujourd'hui ce qu'était le musée. Donc, ça aussi, ça peut apparaître graphique, parce que la réalité fut éventuellement plus ça. Cette réalité, c'est au col de la Chipote, donc qui se trouve entre Épinal et Raon-l'Étape. Mais on a également, il faut s'en méfier, là, pour le coup, la trace, on a des fois du mal à la lire. Là, par contre, l'image, il faut en faire attention. On a de très belles images de restitution de ce que furent les combats pendant la guerre de 14. Des vraies images de reporters. Vous voyez un tout petit peu que le photographe se trouvait même derrière les troupes pour des attaques, notamment le village de La Salle, par exemple, qui avait déjà été connu en 1870. On a carrément des reporters de guerre qui se baladent avec leur caméra. Là, ici, pour le village de Saint-Rémy. Or, il se trouve que tout cela, c'est pour la com, parce qu'en fait, toutes ces fausses images ont été des images de reconstitution qui n'ont pas été faites des décennies après, mais qui ont été faites quelques semaines après la bataille, eh bien, pour faire vendre du papier et vendre de l'image. Ça fait partie de l'histoire des lieux, et cette histoire doit être également prise en compte, mais il faut quand même la décrypter. La réalité, elle est aujourd'hui beaucoup plus archéologique que technique ou illustrative, ou même textuelle. Et là, la réalité des hécatombes, eh bien, on la trouve quand même sur le terrain. Et là, on touche quelque chose qui, finalement, va emporter le morceau dans le cadre du dossier de l'UNESCO. Là, par exemple, vous avez un plan dit plan guerrier. C'est un plan qui a relevé sur une carte toutes les tombes individuelles provisoires, donc tous les soldats qu'on a retrouvés quand les combats sont partis se voir ailleurs. Eh bien, chacune des petits points avec une croix dessus, rouge pour les Français et noir pour les soldats allemands, eh bien, c'est des endroits où il a été ramassé un corps ou un morceau de corps minimum sur le champ de bataille. Quand vous voyez la densité des croix, vous vous doutez bien que c'est un endroit où ça a cartonné pas mal. Vous avez vu que sur le plan, il y a un carré dans lequel il n'y a pas de croix. Ben, on fait quand on a vraiment trop de corps, eh bien, on fait une sorte de focus et on reporte ce carré-là sur un autre plan pour montrer là où il y a eu, en effet, les plus importants combats. Ça, finalement, c'est quelque chose qui s'est fait pendant la Première Guerre mondiale et qui va nous servir 100 ans plus tard. On va l'expliquer. Tout ça est connecté avec un carnet de champ de bataille, c'est-à-dire, bien entendu, chaque numéro et chaque emplacement est dûment reporté sur une carte. Pour faire un tableau, et ce n'est pas parce qu'on a envie de faire du tableau ou de la statistique, mais tout simplement parce que ce tableau va préfigurer un autre élément important, c'est que ce n'est pas le tout de retrouver un corps. Il faut savoir qui est ce corps. Et ça, c'est tout à fait important, et c'est même majeur dans le dossier. La réalité, finalement, après les batailles, c'est ça. Vous avez des cimetières un peu partout. Là, je passe assez vite parce que il n'y a rien qui ressemble plus à un paquet de tombes dans les sapins qu'un autre paquet de tombes dans les sapins. Et ça peut également amener ceci. Et ceci, ben, c'est l'ancêtre des nécropoles. C'est la nécropole de la Chipote en 1917, c'est-à-dire avant que les nécropoles elles-mêmes ne soient créées. Et celle-ci est intéressante parce que si vous regardez bien l'image, vous avez sur la partie droite une croix, tout à fait normale, et puis vous avez sur la partie juste en face un bâton. Savez-vous quelle est la différence entre les deux ? Vous allez me dire, oui, il y a une barre comme ça. Je l'ai vu venir. Okay. Ben, c'est tout simplement que le bâton, c'est un soldat allemand et la croix, c'est un soldat français. Voilà, aussi bête que ça. Mais nous avons bien, à la Chipote, à cette époque, un cimetière binational. Si vous montez à la Chipote aujourd'hui, vous n'avez plus de soldats allemands. Bref, on a tout ce qui est la problématique de la mort qui n'a peut-être plus d'intérêt statistique pendant la guerre de 14, et quand on va arriver à la fin de la guerre et qu'on va s'apercevoir qu'on en a quand même 1 500 000 rien que sur le côté français, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement cette grande épopée a été une grande boucherie de 4 ans. Cette mort aujourd'hui, elle existe toujours parce que finalement elle se rappelle à nous de temps en temps. Même endroit que les photos que je vous ai montrées juste avant, eh bien, c'est la découverte en 2008 d'un corps qui a été perdu, qui n'a pas été recensé, qu'on a retrouvé. Et on ne dit pas merci aux détectoristes à métaux. Hein, si vous avez suivi une des conférences précédentes, on sait tout le mal que ça fait. Eh bien, le but a été de redonner une véritable sépulture à ce mort oublié, et d'ailleurs qui a été tué une deuxième fois, puisque comme il a été découvert par un détectoriste, on n'a pas pu redonner son identité à ce soldat, c'est l'inconnu de la Chipote. Le reste, après, c'est de la statistique. 15 791, c'est le nombre de Vosgiens qui ont été tués pendant la guerre de 14. voyez que ça peut paraître beaucoup. Finalement, c'est relativement peu sur 1 500 000 morts. Mais voilà, on a quand même une réalité qui nous saute aux yeux. Et cette réalité, on peut y décliner tout un tas de statistiques différentes. Là, par exemple, vous avez la restitution individuelle des corps et les dates à laquelle les corps ont été restitués. Ce qui vous donne finalement qu'à la fin, en 1924, on restitue plus grand monde. Et ça tombait bien parce qu'en 1924, c'est l'année du basculement. Ça fait très exactement 100 ans cette année. C'est l'année du basculement qui passe de la guerre à la paix. 10 années. Au bout de 10 années, ceux qui ont vécu la guerre de 14 et qui l'ont subi, qui ont été blessés, eh ben, ont continué à cultiver cette image. Ceux qui étaient jeunes en 1914, qui avaient, je vais vous dire, 10 ans en 1914, en 1924, ils en ont 20, et la guerre, ça suffit. C'est l'année du basculement. À partir de 1924, on repasse à la paix, on repasse aux vivants et on redonne, entre guillemets, la priorité aux vivants. C'est les fameuses années folles. L'UNESCO là-dedans. Alors l'UNESCO, finalement, je viens de vous faire une synthèse rapide, hein, parce qu'on n'a pas 3 heures. C'est une synthèse rapide de ce qu'il est de l'UNESCO. En fait, si vous avez l'UNESCO en 2 temps, c'est parce qu'il y a bien eu 2 temps. En 2008, il y a une idée qui se met en place, qui est une idée franco-belge, qui est celle de valoriser cette guerre de 14, justement en démontrant que ça a été un générateur de patrimoine universel, tout aussi universel. Un patrimoine artistique, un patrimoine archéologique et surtout un patrimoine mémoriel, puisqu'il s'agissait, 100 ans après, de continuer à commémorer les héros de façon à éviter l'oubli aussi. Hein. Comme je vous avais dit, dès 1924, on commence à cultiver l'oubli. Pensez donc que ce qui pouvait se passer 90 ans plus tard ou 100 ans plus tard, l'oubli aurait été encore plus profond. Donc, au départ, l'idée, elle est de cultiver l'oubli parce que les classements UNESCO, c'est quand même quelque chose qui est une dopamine relativement importante de l'économie et du tourisme. Soyons honnêtes. Et donc, en 2008, l'idée a commencé à germer. Elle avait été travaillée un tout petit peu avant, ça tombait bien, parce qu'on avait mis en place une autre idée qui n'était pas trop mal non plus, qui a été regroupée dans ce PER, un pôle d'excellence rurale. C'est qu'en 2008, les entités administratives, donc les communes, les communautés de communes, les agglomérations, ont commencé à se dire, dis donc, 2008, dans 6 ans, c'est le centenaire. On fait quoi ? On fait qu'il y a déjà pas mal de monde qui travaille dans son coin. Les historiens ont déjà travaillé bien en amont pour rééclairer les choses, parce qu'on les avait oubliées. Lazare Ponticelli, ça faisait déjà 4 ans qu'il était mort, donc on n'avait plus de témoins. Et donc, on a commencé à dire, et ça faisait quelques années avec un personnage qui est dans la salle, ça faisait quelques années qu'on disait aux élus, mais vous avez du patrimoine, il y a quelque chose de particulièrement important, on peut faire quelque chose. Et donc, 2008, mise en place d'un pôle d'excellence rurale pour préparer le centenaire. Donc, à la fois une dynamique locale et départementale, administrative, et puis cette dynamique qui commence à naître au niveau international, l'UNESCO. Et arrive donc pendant le centenaire, à partir de 2015. 2015, c'était l'année du centenaire dans les Vosges, puisque les grandes batailles des Vosges, c'est 1915. Donc pour nous, notre centenaire, c'était 2015. Ailleurs, c'était dans la Marne, c'était 2014. Verdun, c'était 2016. Le chemin des Dames, c'était 2017. Les Américains, c'était 2018. On avait bien tronçonné, l'histoire est bien faite, on avait bien tronçonné tout ça. 2015, c'était l'année des Vosges. Et donc, en 2015, le département des Vosges, un des 12 départements qui s'étaient raccrochés au projet UNESCO, a déposé le V1, c'est-à-dire, alors c'est pas la bombe, hein, c'est la version numéro 1 du dossier UNESCO. Notre propos à cette époque-là, c'était de dire, voilà, cette guerre, elle a laissé tout le patrimoine que je vous ai montré avant, multiplié par 10 000 par rapport aux photos que je vous ai mises, il y a un patrimoine extraordinaire. Et donc, le département des Vosges a commandé un audit patrimonial sur la guerre de 14 dans les Vosges, gros boulot hein, quand même, et il a été dégagé 17 sites qui ont été proposés au classement UNESCO. 17 sites emblématiques, dont certains que je vous ai montrés, en disant, ben voilà, on a toute une typologie différente de patrimoine, on a de l'art, on a des traces, on a de l'archéologie, on a tout un tas de choses, il y a des témoignages là-dedans, et enfin, tout va bien, quoi. Et là, l'UNESCO, ben, vous en titez, nous a dit, il est absolument hors de question que nous magnifions par un classement UNESCO quelque chose qui est le plus tordue de l'homme. Est-ce que la guerre est une grande réalisation de l'humanité ? Eh non, on est dans l'antinomie complète. Donc, dossier banané, mais alors fermement. Hein. Sauf que l'UNESCO a laissé une petite porte ouverte. On a retravaillé le dossier, et là, je vous montre l'initiatrice, donc il s'agit de Marie-Madeleine Damien, et en dessous, donc, Serge Parcellini, qui est aujourd'hui le président du Souvenir français. Eh bien, on n'a pas lâché l'affaire. Alors, quand je dis « on », c'est parce que là, c'est la tête de pont, mais dans les départements, il y avait tout un tas de gens qui étaient capables de réaliser les dossiers dits départementaux, voire locaux. Eh bien, c'est que, comme l'UNESCO avait laissé une petite porte ouverte, parce que, quand même, sur une idée aussi universaliste par rapport non pas au fait qu'on a fait plein de morts et que c'était super, mais qu'on a laissé du patrimoine, on ne pouvait pas dire non complet. L'UNESCO a laissé le droit en disant, je vais passer plus sur celle-là, en disant, vous avez peut-être une petite porte de sortie. C'est qu'à l'intérieur de tout le dossier UNESCO, hein, quelques milliers de pages, si ce n'est pas plus, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et il faudrait que vous retravailliez un point, qui est tout simplement que l'UNESCO, c'est une grande épopée ou une grande réalisation de la nature, mais c'est aussi une grande réalisation de l'humain. Et la grande réalisation de l'humain, qui a été détectée à l'intérieur de ça, elle est résumée dans cette photographie-là. Comme vous le voyez, cette photographie, Nopatlise, si vous connaissez un petit peu votre guerre, vos guerres dans les Vosges, eh ben, Nopatlise, ce n'est pas la Première Guerre mondiale. C'est la guerre de 1870. Et il y a eu une évolution technique assez importante entre la guerre de 1870 et la guerre de 14, en 40 années. C'est que pendant la guerre de 70, on a plutôt privilégié les fosses communes, ce qui nous a donné des cimetières dans lesquels on avait des tombes communes. Et par rapport à la guerre d'après, la guerre de 14, on a privilégié la tombe individuelle, c'est-à-dire le traitement individuel de la mort du soldat. Et ça, c'est la grande réalisation de l'humanité. C'est qu'on ne prend plus la guerre comme un massacre de masse, on prend la guerre comme un massacre de masse dans lequel il faut impérativement conserver le nom, l'identité et l'histoire de l'humain qui y a participé. Ça peut apparaître un point tout à fait technique, mais c'est un point fondamental. Si demain il y avait une guerre, vous seriez peut-être content qu'à un moment, votre corps, vos descendants viendraient se recueillir sur votre tombe. Et pas sur une tombe collective, c'est-à-dire un trou avec marqué dedans « Ici repose 300 bonhommes ». Et donc, la grande réalisation qui a été trouvée, eh bien, c'était de travailler à cette individualisation de la mort. Et là, à partir du traitement de la mort, pardon. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, le dossier a été réorienté dans la V2, la version numéro 2, à savoir ne pas traiter de la guerre comme champ de bataille, mais de traiter de la guerre comme humain à l'intérieur du champ de bataille. Et là, c'était tout à fait différent. D'où une réorientation à l'anthropique. Or, qu'est-ce qui reste de l'anthropique aujourd'hui, la meilleure, entre guillemets, réalisation humaine après la guerre de 14 ? Eh bien, ça a été la sépulturisation, les cimetières. Et aujourd'hui, la grande majorité des cimetières qu'on connaît de la guerre de 14, ce sont les nécropoles. Et donc, de fait, il a été décidé de passer de la classification du champ de bataille à la classification UNESCO des nécropoles. Alors, vous allez me dire, l'UNESCO, il faut quand même que ça reste une réalité un petit peu économico-touristique, c'est qu'en fait, des nécropoles, il y en a des centaines et des centaines, voire des milliers, si vous prenez les carrés militaires ou les nécropoles militaires qui sont parfois accolés au cimetière et que certaines communes ont souhaité conserver. La commune de Saint-Jean-d'Ormont, par exemple, elle s'est battue, et quand je dis la commune, c'est la population qui habitait à Saint-Jean-d'Ormont, pour conserver à côté de son cimetière son carré militaire, qui aurait normalement dû aller à la nécropole qui se trouvait à 3 km. Ils se sont battus, ils ont obtenu de garder leur carré militaire. Et donc, il faut prendre en compte cela. Et donc, de fait, il a fallu également choisir, parce qu'on ne pouvait pas tout classer, comme pour les fameux 17 sites, et donc l'État a décidé de classer les nécropoles les plus représentatives de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je ne reviens pas en arrière, les deux types de guerres. On a une nécropole sur la bataille des frontières, la nécropole de la Chipote, puisque c'est là qu'il y en a le plus, et c'est très représentatif de cette bataille des frontières. La nécropole de la Fontenelle, sous vos yeux, qui est la nécropole qui est la plus représentative des combats de la guerre d'opposition, donc 1914-1918, et puis une troisième nécropole. Donc là, je vous montre les photos de La Fontenelle. La Fontenelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je refais un petit retour en arrière, pardon, à la nécropole de La Fontenelle, c'est comme à la nécropole de la Chipote, il n'y a pas de soldats allemands. Les soldats allemands ont été inhumés à la nécropole de Senon, qui se trouve à 7 km, pas très très loin. Donc, elle a été englobée dans ce classement UNESCO. La nécropole, donc le carré militaire de Saint-Jean-d'Ormont, à l'époque et aujourd'hui. Voilà. La nécropole de la Chipote, la bataille des frontières. Vous retrouvez la photo que j'ai donnée tout à l'heure. Et ce que je voulais dire, la troisième du triptyque mémoriel, c'est la nécropole des Tiges à Saint-Dié, tout simplement parce que les deux premières nécropoles parlaient d'une partie de la guerre de 14, alors que la nécropole des Tiges est une nécropole dite de synthèse, parce que dedans, vous avez des morts qui ont été tués dans l'ensemble des phases de la guerre, y compris d'ailleurs après-guerre, y compris des nations qui n'ont pas été représentées, par exemple des Indochinois, y compris aussi quelque chose qu'il a fallu quand même prendre en compte 100 ans après, c'est-à-dire les noms pour la France, les noms morts pour la France. Eh bien, à la nécropole des Tiges, vous avez des fusillés pour l'exemple, qui n'ont pas la mention mort pour la France, mais qu'on n'oublie pas non plus, parce que justement, aujourd'hui, on est dans cet universalisme du traitement individuel de la mort. Donc la nécropole des Tiges, c'est le troisième type de nécropole qui a été prise en compte, et donc finalement n'ont été classées que trois nécropoles, et comme on aime la complication, finalement c'est quatre avec Senon, et donc ça explique aujourd'hui un autre problème qui est celui de, on nous dit, mais pourquoi celle-là et pas celle-là? Enfin bref, c'est des choses qu'il faut expliquer maintenant, parce qu'on ne pouvait pas tout classer. Elles contiennent elles-mêmes leur propre patrimoine qui là est postérieur à leur création. La création, c'est 1919-1925, et parfois d'autres choses. Là, vous avez les morts de Lyon dans la nécropole des Tiges. Vous avez là, d'autres représentativités que je vous ai montrées tout à l'heure. Dans un paradigme toujours en construction, parce que eh bien, la guerre de 14 et le centenaire de la guerre de 14, eh bien, normalement, il est fini en 2018, mais en fait, non. On est en 2024 et on continue à travailler, puisque la preuve, un sentier de mémoire nouveau a été classé en octobre de l'année dernière. Et des expositions et tout un tas de choses, c'est quelque chose qui se travaille encore énormément. Bref, comme vous le voyez, le dossier UNESCO, c'est un dossier complexe, c'est un dossier qui a différentes versions, mais c'est un dossier qui a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est tous ceux qu'on n'a pas pris. Les avantages, c'est la représentativité internationale et mondiale, eh bien, d'un paradigme qui n'était vraiment pas gagné au départ. Tout le monde, est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, moi, je voudrais plutôt poser une question plutôt personnelle. Qu'en est-il de ces morts, on va dire, maghrébins ou algériens? Alors, ils sont classifiés comme tous les morts des colonies ou des pays qui sont venus prêter assistance aux alliés à l'époque, donc à l'entente. Ils étaient dans des régiments qui ont été amenés sur les champs de bataille. Et là, en effet, en fonction des dates à laquelle ils ont été tués, souvent dans des coups de main de masse, très souvent, en effet, les identités ont été perdues. Mais là, vous parlez de Verdun. Verdun, c'est un endroit où on ne pouvait plus traiter la mort individuelle, puisque cette bataille de Verdun a duré de février à décembre, quasi une année, et elle a été tellement paroxysmique que les identités se sont perdues. Mais comme vous le dites, ce soldat, vous savez qu'a priori, il est mort à Verdun. Donc, vous savez quand même, à un moment, il a été suivi quasi jusqu'à... C'est des échos. Hein. Alors ça, vous avez des services de l'État qui font très, très bien leur boulot, puisque là, vous contactez l'Office national des anciens combattants. Ils ont leur dossier d'inscription. Ils ont la plupart du temps au moins la date de décès ou de disparition. Et à partir de là, ils peuvent vous donner les informations de l'endroit où éventuellement il est tombé. C'est pas au mètre près. Mais s'il est tombé, par exemple, dans le secteur de Besonvaux, vous allez sur le secteur, vous allez voir une forêt avec des feuilles dedans, des trous, des bosses, et puis voilà, il est a priori mort là. On n'a pas pu retrouver, en effet, le corps du soldat. Non. Mais on sait à peu près l'endroit où il a donné sa vie pour la France. D'accord. Donc, je peux demander. Enfin, oui, c'est un grand-père maternel. Oui, pas de souci. C'est simplement de poser la question à votre ONAC. Vous avez un ODAC, donc un office départemental des anciens combattants. Si vous habitez à Saint-Dié, il est juste en face de la rue. Vous leur faites un courrier en disant « j'aimerais avoir des informations ». À partir de là, comme il n'est pas mort dans les Vosges et qu'il n'est pas né dans les Vosges, ils vont transmettre ça à qui de droit pour retrouver le parcours de votre aïeul et l'endroit où peut-être son nom ou son régiment a été placé sur une sépulture multiple, c'est-à-dire une fosse commune, en disant, ben voilà, ici reposent 300 tirailleurs algériens. D'accord, ben voilà. Merci. C'est très facile, en fait. Merci. Toute petite précision, vous pouvez même retrouver éventuellement ce traitement sur Internet. Hein, il suffit de regarder dans Sépulture de guerre ou dans Mémoire des hommes et vous avez déjà des traces qui sont consultables depuis votre canapé. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Mathique Histoire. Un grand merci à Yann Prouillet. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.